Ça c'est vite du me gagne. Ma vie a changé depuis un moment. Ma vie a pris un véritable tournant depuis un moment.